maintenant on va apprendre russe. Écoutez et répétez. Da, tam, no, on, do, don, tot, baba, banan, don, tam, on, tut, don, tam, mer, hich, vot, kak, sup, kto, va, most, fakt, gazot.